Merci. De bien vouloir relever. J'avais dit la dernière fois une certaine déception de personne. Personne disais-je avait fait plaisir. Le plaisir de vous appeler, c'est la joie de votre effort. Le plaisir de danser sur les traces que j'aurais fait. La personne en question, quoiqu'elle sourit, elle est présente. Pourquoi ne pas la nommer Marie-Claire? On m'a donc envoyé un tirage à part, une revue fort intéressante. Pour pourquoi je peux dire avec des excuses, la page son article, c'est une revue que bien lire, n'a pas vu. Au chef de mon enseignement, ça s'appelait l'inconscient. Il a eu très bonne chose de bien. Simplement, paradoxalement, peut-être à cause de cela même, que c'est d'autres principes au moins dans son comité de rédaction, cette deuxième, on n'en a pas fait le service. De sorte que l'attention attirée sur ce numéro qui est la paternité du numéro 5, c'est d'abord lui. Avec beaucoup de soin, l'article Marie-Claire Bonne, c'était ensuite un autre qui est notre ami Comarque. Pour parler de celui de Marie-Claire Bonne, je suis tout prêt, si elle voulait, à le prendre aujourd'hui comme texte d'explication et pourrait en apparaître, c'est un certain nombre de questions qui surgiraient à propos des chemins qu'elle choisit sur le meurtre du père chez Freud. La vérité, je crois, que il apparaît très aisément que rien n'y franchit, rien n'y devance. Ce que j'avais à la date où elle a fait cette publication, déjà avancé, et je l'ai très modestement concernant le complexe d'Édipe. Il y a une autre méthode, c'est qu'aujourd'hui, j'essaie en effet d'aller plus loin en montrant que ceci est déjà impliqué dans cette avancée prudente qui fut la mienne jusqu'ici. Et alors, peut-être dans un second temps, à l'occasion de rencontre, rétroactivement, s'éclairera mieux ce que je voudrais dire si seulement je vous suspendais aux divers points d'un article qui, en effet, par bien des côtés, présente une sorte, je dirais, d'ouverture, de questionnement, de préparation, si l'on veut, à un pas sur et être ici un peu pour l'une ou l'autre de ces deux méthodes, même si elle ne déclare pas formellement que c'est le commentaire de son article qui contient très bien une procédure, je laisse la parole. Eh bien, je procéderai de la même façon. Voilà, la mort est faite. La mort du père, en effet, a caractère que il semble que ce soit là le, la clé, le vrai vice de tout ce qui s'énonce. De tout ce qui s'énonce, et pas seulement au titre mythique, de ce qu'il en est, de ce à quoi à faire la cigale. Au terme de son article, il laisserait même entendre que beaucoup de choses découlent de cette mort du père, et nommément ce je ne sais quoi qui ferait que la psychanalyse, d'une certaine façon, nous libère de la loi. Grand espoir. Je sais bien en effet que j'ai sous ce registre que quelque chose, un épinglage libertaire, se rattacherait à la psychanalyse. Je pense à vrai dire, et c'est tout le sens de ce que j'appelle l'envers de la psychanalyse, non rien. La mort du père, pour autant fait écho à cet énoncé, à centre de gravité nietzschéenne, cette annonce, à cette bonne nouvelle que Dieu est mort, ne paraît pas loin de là, et la première assiette à en donner la preuve, eh bien, l'énonciation de Freud lui-même, dont à juste titre, avec la bonne au départ de son article, de nous faire marquer ce que j'ai déjà dit. Il y a deux séminaires, c'est à savoir que d'une certaine façon, cette annonce de la mort du père est loin d'être incompatible avec cette motivation. Cette motivation donnée par Freud, comme étant la sienne, comme une interprétation analytique de la religion elle-même, reposerait sur quelque chose qu'assez étonnamment il avance comme premier, à savoir que le père, celui qui est retenu comme méritant l'amour. Il y a là déjà l'indication d'un paradoxe. D'un paradoxe qui laisse l'auteur que je viens de nommer un certain embarras concernant le fait qu'en somme la psychanalyse préfère. Réserver le champ de la richesse. Je crois justement ici, on peut dire aussi qu'il n'en est rien. La pointe de la psychanalyse est bel et bien l'athéisme, à la condition de donner à ce terme un autre sens que celui où Dieu est mort. Donc, assurément, tout indique que rien qu'il mette en question ce qui est en jeu, à savoir la loi, bien plutôt, il la consolide, il y a longtemps que je t'ai remarqué. Quelle la phrase du vieux père Karamazov, Dieu est mort, alors tout est permis, la conclusion qui s'impose dans le texte de notre expérience, c'est qu'un Dieu est mort, répond, Dieu est mort, que rien n'est permis. Pour éclairer le titre, je vous annonce la raison, partons de la mort du Père, si tant que c'est bien elle que preuve nous avons en étant la clé de la jouissance, de l'objet suprême, identifié à la mère. La mère visée de l'inceste n'est très sûre que ce n'est pas à partir tentative d'expliquer ce que veut dire toucher avec la mère, que ce meurtre du père s'introduit dans la doctrine du troisième. C'est bien au contraire, à partir de la mort du père, que l'interdiction de cette jouissance comme étant première c'est difficile. À la vérité, ce n'est pas de la mort du père seulement. C'est, comme l'a également fort bien mis au titre de son interrogation, la personne dont je parle, le meurtre du père. C'est là, dans le mythe tel qu'il nous est énoncé, est la clé de la jouissance. Et aussi bien si ce mythe, nous le regardons de près, c'est ainsi qu'il nous est présenté par cet énoncé de ce titre qu'il convient de traiter comme ce qu'il est, à savoir un contenu manifeste et du même fait de commencer par bien l'articuler. L'idée dite au niveau tragique du Freud se l'approprie, montre bien que le meurtre du père est la condition de la jouissance. L'aïus n'est pas écarté autour d'une lutte. D'ailleurs, il n'est pas sûr que c'est ce pas que dit va accéder à la jouissance de la mort. Si l'aïeux n'est pas écarté, il n'y aura pas de jouissance. Est-ce au prix de ce meurtre qu'il l'obtient? Ici, le socle, ce qui est principal, ce qui de la référence la prise mise en action dans la tragédie prend tout son rôle. C'est au titre d'avoir délivré le peuple. Une question qui le décide, c'est meilleur à vouloir répondre à ce qui se présente comme l'ennemi, c'est-à-dire qui se peut être supporté par ce être ambigu que le sphinx ou sphincter. Il a proprement parlé de cette disposition double, le fait qu'elle le midi considérer 8 pas. Et il reste en retard, se trouve l'arc d'antiquité supprimé, le suspens, introduit ainsi dans le peuple la question de la vérité. Ai-je à dire qu'à lui donner cette réponse? Cette réponse non, assurément. Il n'a pas l'idée à quel point elle devance son propre drame, mais aussi à quel point de faire un choix, elle tombe de terre, sa réponse, dans le piège de la vérité. En répondant, c'est l'homme, car qu'est-ce qui sait ce qu'est l'homme? Et est-ce tout en dire de le ralliement? On vient ambigu dans le cas des doux. Tu fais d'abord aller à quatre pattes, puis sur les deux de derrière, on voit Édipe. Comme toute sa lignée se distingue, justement, comme l'a remarqué fort bien Claude Lévi-Strauss, de ne pas marcher droit, puis de finir de l'aide d'un bâton pour n'être pas la canne blanche de l'aveugle, ne devait pas être néanmoins pour Édipe le plus singulier élément troisième pour le nommer sa fille Claude. La vérité s'est écartée. Qu'est-ce à dire? Est-ce pour laisser le champ libre? Est-ce qu'il restera pour Édipe la voix d'un retour? Car c'est d'avoir voulu, en présence, un malheur deux fois plus grand, non pas décimant son peuple au choix de qui s'offre à la question de la sphère. Mais qui le frappe dans son ensemble, de forme ambiguë, s'appelle la peste, avec tout ce dont elle a la charge de la thématique de l'Antiquité. C'est là que preuve un désir pour éviter la question de la vérité se renouvelle et qu'elle aboutit à quoi. À ceci que d'une première approximation, nous pouvons identifier quelque chose au moins qui a rapport au prix payé d'une castration. Est-ce bien là tout dit, si de ce que non pas les écailles lui tombent des yeux, mais les yeux lui tombent comme des écailles. Est-ce bien là tout dit? Et n'est-ce pas dans cet objet même que nous pouvons hésiter être réduit, non pas à subir la castration, mais dirais-je plutôt à être la castration elle-même, à savoir que ce qui reste donc disparaît de lui sous cette forme de ses yeux, des supports élus de l'objet petit a. Qu'est-ce à dire, si ce n'est que la question se pose de savoir si d'être monté sur le trône, non par la voie de la succession, mais par la voie de ce choix qui est fait de lui comme du maître, pour avoir effacé la question de la vérité. C'est cela qu'il doit tenir, autrement dit, introduit comme déjà vous l'êtes, comme nous, on dénonce que ce qui fait l'essence de la position du maître, c'est d'être sacré, ne trouvons pas là, certes, voilé, mais indiqué que cette hausse de la castration que procède ce qui est proprement la succession. Si le fils, c'est comme le fantasme, on est toujours très curieusement indiqué, mais jamais proprement rattaché au mythe fondamental du père. Si la castration est ce qui frappe le fils, est-ce que ce n'est pas aussi, et ceci dans toute notre expérience syndique, ce qui le fait accéder par la voie juste, parce qu'il en est de la fonction du père, est-ce qu'il n'est pas indiqué que c'est de père en fils que la castration se transmet? La mort, dès lors, à se présenter comme étant à l'origine, est-ce que nous n'avons pas là l'indication que c'est de fait un mode de couverture de ce qui, quoi que surgit, expérimenté de la position même de l'analyse, un caractère essentiel dans le procès subjectif de cette fonction de la castration, le cache tout net, le voit d'une certaine façon, le met, si l'on peut dire, sous son égide et nous dérive. Porter à son point vite ce que permet d'une façon dernière et tout à fait rigoureuse, ce que permet d'énoncer la position proprement de la même. Comment cela se fait? Assurément, là, il n'est pas vain de s'apercevoir que le mythe l'œuvre du Père, en étant essentiel, d'abord rencontré chez Freud au niveau de l'interprétation du rêve ou à son vie, et ceci, c'est ceci que d'une façon, assurément l'article de Conrad éclaire remarquablement que un souhait de mort qui manifeste, dont assurément l'auteur produit une critique remarquable en manifestant que la recrudescence de ces vœux de mort au moment même que cette mort est réelle. Et s'il est vrai que pour Freud, l'interprétation des rêves est surgie à son propre dit, de la mort de son père, n'est-ce pas là aussi bien la marque de l'auteur, elle revient et il le souligne, car ce couloir coupable de la mort, quelque chose qui se cache proprement le fait que le père soit mortel. C'est-à-dire, aussi bien ceci avance dans la ligne de ce qui est mis au centre du psychologisme analytique. Dans cette ligne, l'énoncé donné comme un présupposé banal que fait l'essence l'essence de la position infantile de son fondement dans une idée de la toute-puissance, une idée de la toute-puissance qui ferait qu'elle est au-delà de la mort. Or, si cette interprétation est, si je puis dire, régulière, sous la plume d'un auteur qui n'abandonne pas ses présupposés, tout au contraire, à critiquer le dit, parce qu'il en est de l'essence de la position de l'enfant, qui en résulte que c'est une autre voie que doit être apportée, ce qu'il en est des souhaits de mort, et s'il recouvre quelque chose, elle est le masque de ce qui est à masquer en local. Et pourquoi d'abord penserions-nous que d'aucune façon il y a dans ce que nous avons à énoncer comme étant de la structure subjective, la structure subjective comme dépendant de l'introduction du signifiant. Comment pouvons-nous mettre au chef de cette structure quoi que ce soit qui s'appelle connaissance de la mort, à lire d'un autre sens les analyses de Freud sur quelques-uns de ses rêves majeurs qui portent la fameuse prière de fermer les yeux avec l'ambiguïté sous une barre de cette reine qui aussi bien et par lui produit comme le fait une alternative. Ceci nous assurément comme Rastin profite fort habilement dans la ligne de son interprétation. L'interprétation qui est celle d'une dénégation de mort au nom de la toute-puissance. Peut-être susceptible à prendre le dernier rêve de la même série pour en faire le sens que je fais en ce temps, de remarquer l'accent qui est mis sur un rêve, qui n'est pas un rêve de Freud, mais celui d'un séparation. Le rêve qui s'énonce et que je veux décomposer pour l'analyser à l'aligner sur les deux lignes de l'énonciation et de l'énoncé, il ne savait pas qu'il était mort. Ceci pour nous rappeler que de deux choses l'une, où en effet la mort n'existe pas, il y a quelque chose qui survit, et la question n'en est pas pour autant résolue si les morts savent qu'ils sont morts. Ou bien, il n'y a rien au-delà de la mort, et il est bien assuré que dans ce cas, ils ne le savent pas. Ceci pour dire que nul ne sait, en tout cas évident, ce que c'est que la mort. Il est remarquable que les productions spontanées qui se formulent comme étant du niveau de la s'énonce à proprement parler de ceci, de la mort pour quiconque est à proprement parler inconnaissable. Et souligner en ce temps, en effet, qu'il est indispensable à la vie que quelque chose irréductible ne sache pas. Je ne dirais pas que nous sommes morts, parce que justement, c'est pas ça qu'il faut dire. Le titre de nous ne sommes pas morts. pas tous ensemble, en tout cas. Il y a là-dessus que notre assiette, quelque chose, ne sache pas que je suis mort. Je suis mort très exactement en tant que je suis voué à la mort. Mais justement, prononce quelque chose qui ne le sait pas. Moi non plus, je ne veux pas le savoir. Ce qui me permet de mettre au centre de la logique tout homme. Ce tout homme. Tout homme est mortel. Dont l'appui est justement ce non-savoir de la mort et du même coup de quelque chose qui nous fait croire. Que tout homme, ça signifie quelque chose. Tout homme naît d'un terme. Donc c'est, nous dit-on, en tant qu'il est mort, qu'il, lui, l'homme, ne jouit pas de ce dont il a à jouir. L'équivalent en termes freudiens s'est donc fait. Le père mort est de la jouissance. C'est lui qui la garde en réserve, si je puis dire, le mythe freudien, tel qu'il s'énonce, non plus au niveau du tragique, avec sa souplesse subtile, mais dans l'énoncé du mythe de Totem et Tabou, c'est l'équivalent du père mort et de la jouissance. C'est là que nous pouvons qualifier le terme d'un opérateur structural. Ici, le mythe se transcende. L'énoncé au titre du réel, car c'est là tout ce quoi Freud insiste, que ça s'est passé réellement. Que c'est le réel. Le père mort est ce qui a la garde de la jouissance, et ce d'où est parti l'interdit de la jouissance, de la procédure. Se présente à nous en quelque sorte comme le signe de l'impossible, mais que le père mort soit la jouissance. C'est bien dans ce signe qu'au terme sont ceux que nous définissons comme fixant la catégorie du réel en tant que dans ce que j'articule. Distingue radicalement le symbolique et de l'imaginaire, que le réel, c'est impossible. C'est ce à quoi, non pas au titre de simple lutter contre quoi nous cognons le front, mais de l'acuité logique de ce qui, du symbolique, s'énonce à proprement parler comme impossible que le réel surgit, nous reconnaissons bien là, en effet, au-delà du mythe qu'édite, un opérateur, opérateur structural, celui dit du père réel, avec, je dirais même, cette propriété qu'au titre de paradis, il y aussi la promotion au cœur du système freudien de ce qui est le père du réel aussi bien. Qui marque ou qui met au centre l'énonciation de Freud, un terme de l'impossible. C'est très bien dit. L'énonciation freudienne n'a rien à faire avec la psychologie. Il n'y a aucune psychologie concevable de ce père originel. Seulement là, présenté comme celui. Pas besoin de répéter la dérision que j'en ai faite lors, je pense, du dernier séminaire, celui qui jouit de toutes les femmes concevables d'imagination. Alors qu'il n'est pas clair, c'est normalement perceptible, que c'est déjà beaucoup de suffire à une. C'est ici que nous sommes renvoyés à une toute autre référence, à celle de la castration à partir du moment où nous l'avons définie comme principe du signifiant être. J'y reviendrai. C'est exactement ce que vous montrerez au terme de ce discours d'aujourd'hui, ce que ceci peut vouloir dire. Le discours du maître nous montre la jouissance venant à l'autre. C'est lui qui en a les moyens. Ce qui est langage ne l'obtient qu'à insister jusqu'à produire la perte ou le plus de jouir prend le corps. D'abord, le langage, même celui du maître, ne peut être autre chose ce que demande qui échoue, n'est pas son succès, c'est sa répétition que s'engendre quelque chose qui est une autre dimension, que j'ai appelé la perte, le plus de jouir. Encore, cette création répétitive, cette inauguration d'une dimension dont sortent tout ce dont va pouvoir se juger l'expérience analytique, ceci peut aussi bien partir d'une impuissance originelle. De celle pour tout dire de l'enfant, loin qu'elle soit la toute puissante, il en a pu s'apercevoir que la psychanalyse démontre c'est que l'enfant est le père de l'homme, et bien qu'il doit y avoir quelque part quelque chose qui en fait la médiation, et c'est très précisément ainsi. Insistant en tant qu'elle vient à produire, je l'ai dit, de n'importe quel signifiant, après tout, signifiant net. Le terme que j'ai avancé en son temps, que le père fait, je ne l'ai avancé que d'avoir ou non, j'avais formulé ce qui retourne de la relation d'objet de ces rapports avec la structure croyait, qui avait prévu de dégager d'abord ce qu'il en est de distinct dans l'essence de la castration, de la frustration et de la privation. La castration est en fonction essentiellement symbolique, à savoir ne se concevant de nulle part d'autre que de l'articulation signifiante, la frustration étant de l'imaginaire et la privation, comme il l'a de soi, du réel. C'est là qu'on voit qu'il nous faut, quant à ce qu'on peut définir du fruit de ces opérations, au niveau de la castration, c'est de l'énigme que nous propose le phallus en tant que manifestement imaginaire qu'il faut faire l'objet de la première de ces opérations. De quelque chose de bien réel, qu'il est toujours question dans une exposition, même si la revendication de la fonde a bien sûr de ressources, mais qu'à imaginer que ce réel, on vous le doit, ce qui va pas de soi. De la privation, d'autre part, il est bien clair qu'elle ne se situe que du symbolique, car pour quelque chose de réel, rien ne saurait manquer si le réel est réel. Et c'est bien d'autre part que doit revenir cette introduction, d'autant que la question, sans laquelle nous ne serions pas nous-mêmes dans le réel, à savoir que quelque chose, c'est bien ce qui caractérise d'abord le sujet. Non. C'est au niveau des agents que je suis resté en son temps, sans l'indiquer moins explicite. Le père réel. Et c'est l'affirmation du père réel comme impossible est destiné à nous masquer. Le père réel n'est rien d'autre que l'agent de la carte. Agent, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, au premier abord, nous glissons dans ce fantasme que c'est le père qui est castrateur. Il est très ardent. Aucune des formes de mythe auxquelles Freud se soit attaché en donne une idée. Ce n'est pas ce que les fils dans un premier temps hypothétique, encore animaux, n'accède pas au troupeau des femmes, soit que je sache se castrer. La castration, on entend qu'énoncer quelque chose qui constitue un interdit, en aucun cas ne serait-ce fondé. Et du second temps, du mythe du meurtre du père de la Horde, et à son dire, au dire de ce mythe même, il ne provient pas d'autre chose que d'un commun accord, singulière émission dont je montrais la dernière. Le caractère problème. Aussi bien le terme carte est-il ici à relever soit dit en passant pour marquer que voudrais que ce que j'ai vu vous dénoncer du livre de l'acte, quand j'ai traité de l'acte psychanalytique, est d'apprendre au sérieux, de savoir qu'il ne saurait y avoir d'acte que du contexte déjà rempli de tout ce qu'il en est, de l'incidence signifiante de son entrée en jeu dans le monde, qu'il ne saurait y avoir d'acte au commencement, en tout cas d'aucun acte qui puisse se qualifier de peur et de mythe de Dieu. Il serait avoir d'autre sens que celui à quoi il est réduit d'un énoncé de l'adoucie. Ne saurait y avoir d'acte hors d'un champ déjà complètement parlé la loi de ceci. Il y a d'autres actes qui se réfèrent aux effets de cette articulation insuffisante et qui comporte toute la problématique d'une part de ce que comporte ce qu'est de chute ou existence même. De quoi que ce soit qui puisse s'articuler comme sujet, de l'autre part, de ce qui y préexiste comme fonction législative. Est-ce à dire que c'est de la nature de l'acte que procède la fonction réel en ce qu'il est la castration. C'est très précisément ce que le terme d'agent que j'ai avancé nous permet de mettre en suspens. Le verbe agir dans la langue plus d'une résonance, à commencer par celle de l'acteur, de l'actionnaire, ça ne se voit pas. Le fait avec action, ça vous montre qu'une action n'était pas tout à fait ce qu'on croit. De l'activisme. Puisque l'activiste ne se définit pas à proprement parler de ceci, il se considère comme de quelque chose, plutôt l'instrument. De l'artisme, comme vous le savez. Ce serait un bon exemple pour qui j'aurais de dire au terme de la chose freudienne, mais en fin de compte, de ce qu'on appelle tout simplement mon agent. Ce qu'on appelle mon agent, vous voyez en général ce que ça veut dire. Hein, je paye pour ça. Même pas. Je le dédommage. Je n'aurai rien d'autre à faire. Je l'honore. En faisant semblant de partir, ceci qu'il est capable d'autre chose. Voilà le niveau du terme où il convient de prendre ce qu'il en est du père réel comme d'agent de la castration. Il fait le travail de l'agence mère. Nous sommes de plus en plus familiers avec cette fonction d'agent. Nous vivons à une époque où nous savons ce que ça véhicule. L'époque de la publicité. Des trucs qu'il faut vendre. Mais aussi que c'est avec ça que ça marche, le point où nous en sommes, de l'épanouissement, du paroxysme du discours du maître, ce qu'il en est. Société. E anche le donne rispetto a questo, così è un petito qui. Vuole un segnale o passare, ci fa scoprire una cosa. Se queste cose che avete per moi sono pire, peut-être un point qui ne paraît pas indigne. De faire l'effort d'éclairer notre vie qui est bien particulière au niveau de cette fonction de l'agent. Il faudra qu'un jour je vous montre que le développement consistant d'introduire la notion d'agent double dans chaque échec l'aide ne fait pas. Un des objets les plus contestables, les plus certains, de fascination. L'agent qui remet ça, qui veut bien seulement le petit marché du maître, qui est le rôle de chacun. Donc, il a le contact. Un problème à savoir de tout ce qu'il y a, qui vaille vraiment son compte de l'ordre de l'existence, n'a rien à faire avec les trames de ce filet. Il se dit, mais mon Dieu, son petit boulot, en fin de compte, c'est ça qu'il préserve. L'étrange histoire est qui mène loin. Le vrai agent double, c'est celui qui pense que ce qui échappe au crâne, ça aussi, faudrait l'agencer. Parce que si ça est vrai, l'agencement va le devenir, et du même coup, le premier agencement, celui qui manifestement est au top d'advenir vrai aussi, très probablement ce qui est. Un personnage qui se donne à la fonction d'agent prototype de ce discours du maître, en tant qu'il s'autorise de garder quelque chose un profil et l'essence en disant prophétique, les murs sont bons. Henri Massis, pour le nommer. Enfin, le nommer Sorgueil avec un nom si elle était derrière, trouvait le moyen d'être parmi les agents nazis, de se faire agent double au profit du père des peuples, pour chacun espère que vous savez que ce sera lui qui fera que le vrai sera aussi agencé. C'est une fonction, en fin de compte. Donc ce n'est pas pour rien que j'ai évoqué le père des peuples, parce que ça a beaucoup de rapport avec celle du père réel en tant qu'agent de la conspiration. Parce que ce fameux père réel, donc évidemment, l'énoncé freudien de devoir. Le devoir ne peut pas faire autrement, ne serait-ce pas que par de l'inconscient. Le devoir parcourir pour du maître ne peut faire que l'impossible en se trompant de faire réel. Tout autre, d'abord, général, tout le monde avec ses huit travaux. Si l'agent quelque chose dans une société qui évidemment ne lui donne pas son rôle, il reste tout de même enfin qu'il a des côtés excessivement gentil, il travaille et puis il voudrait bien être aimé. chose. Il y a quelque chose qui montre que c'est évidemment bien ailleurs le gîte de toute cette mystagogie qui en fait le pire. C'est au niveau du Père réel, en tant que Père réel, qui est un effet, une construction langagière, d'ailleurs, le Père réel n'a pas d'autre réel, je ne dis pas réalité, car la réalité c'est encore autre chose, je vais vous parler à l'instant, mais il n'est pas autre chose qu'un effet de l'enfer. Je pourrais même tout de suite ne pas aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez remarquer que scientifiquement, c'est intenable. Cette notion du Père réel, il n'y a qu'un seul Père réel, c'est le spermatozoïde. Et jusqu'à nouvel ordre, personne n'a jamais pensé à dire qu'il existe quel spermatozoïde. Si on veut faire des objections de ça, à l'aide de de groupes sanguins de cette espèce, de facteurs résus. Mais c'est tout nouveau, ça n'a absolument rien à faire avec tout ce que on a fait comme étant la fonction du père. En sorte que s'il y a quelque chose que l'analyse pourrait faire poser comme question, il n'y a quand même pas que dans les tribus de la Ronda qu'on pourrait se poser les questions de ce qui est réellement le père dans une occasion là où une femme s'est trouvée engrossée. Pourquoi? Parce que ça ne sert pas. Hein? On a de temps en temps le soupçon. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas dans une psychanalyse? Le psychanalyste, qui soit, même si ce n'est pas lui du tout qui l'a fait, là, sur le terrain spermatozoïdique, qui soit le père réel, puisque c'est à propos de quelque chose qui est le rapport de la patiente avec, disons, la situation analytique. Elle s'est trouvée finalement mère. Il n'y a pas besoin d'être un rempart pour se poser des questions sur ce qu'il en est de la fonction père. Et on aperçoit du même coup, parce que ça nous élargit les idées, hein, qu'il n'y a pas besoin de prendre la référence de l'analyse, que j'ai prise comme la plus prudente, pour que la même question. Là, on peut très bien faire un enfant à se marier ce soir, même si on n'a pas baisé avec l'enfant de quelqu'un d'autre, justement celui dont on aurait voulu qu'il fût le père. C'est à cause de ça qu'on a eu un enfant en mère. Alors, vous voyez, ça nous entraîne comme ça. Ça nous entraîne un petit peu dans la non, je ne le fais que pour vous réveiller. Parce que si j'ai dit que tout ce qui a élucubré n'ont pas rien su au niveau du mythe, ni non plus de la reconnaissance des souhaits de mort de ces patients. Je veux dire que ça, c'est un rêve de fraude. C'est bien entendu par ce qu'il semble que l'analyste devrait un tout petit peut s'arracher à ce plan du rêve. Ce que l'analyste rencontre, à avoir été dirigé, guidé par la production, par le fond de quelque chose de tout à fait percutant. L'analyste en a retiré est encore pas du tout décanté. Vendredi dernier, j'ai présenté la présentation de malade. Monsieur, je ne peux pas faire un malade. Et il était arrivé des choses comme ça qui faisaient que son électroencéphalogramme, me disait la technicienne, est toujours en fait à la limite de ce qui est l'oscillation du sommeil et celle du vigile, de sorte qu'on ne sait jamais quand il va passer d'une à l'autre et que ça en reste là. C'est un peu comme ça que je vois l'ensemble de tous nos collègues journalistes. Le choc, le traumatisme de la naissance de l'analyse les laisse comme ça. C'est pour ça que qu'ils font des quarantaines pour essayer de tirer de l'articulation freudienne quelque chose de plus précis. Ce n'est pas dit, qu'ils ne l'approchent pas. Mais ce qu'il faudrait qu'il voit, par exemple, c'est que c'est de la position du père-mère, ça s'amérite tout à fait l'expérience de l'article, à savoir comme un impossible, qu'il est nécessaire que, pas vous, ni lui, ni moi, cette position est. Imagine, le père, comme privateur, le père imaginaire, qui n'est pas du tout surprenant, sans cesse, c'est une dépendance structurante de quelque chose qui est justement ce qui nous échappe, à savoir ce qu'est le père réel. Et le père réel, c'est un esprit qui peut devenir d'une façon sûre, si ce n'est pas la castration. Laquelle castration n'est pas, comme nécessairement toute personne qui psychologise l'infini. On a vu ça surgir il n'y a pas si longtemps par exemple sur les têtes. Quelqu'un qui a décidément conversé avec la psychopédie que l'on sait, a dit pour nous la castration n'est qu'un fantasme. La castration, c'est l'opération réelle introduite par l'incident du signifiant quel qu'il soit dans le rapport. Qu'elle détermine le père, ce réel possible, ça va de soi. Et il s'agit maintenant de savoir ce que ça veut dire, cette castration qui n'est pas un fantasme. Résulte, bien sûr, qu'il n'y a de cause du désir produit de cette opération, et que le fantasme domine toute la réalité du désir, c'est-à-dire la loi. Pour le même, chacun sait maintenant que c'est la demande, que c'est signifiant de liberté, qui ne sait absolument pas ce qu'il veut. de mettre le Père Tout-Puissant du désir au principe du désir est très suffisamment réfuté par le fait que c'est le désir de l'hystérique dont Freud a extrait ce signifiant mettre. Il ne faut pas oublier que c'est de là Freud est parti, à savoir ce qui reste au centre de sa question. Il l'a avoué, mais ceci a été d'autant plus précieusement prédit parce que dit par une anesse qui a répété sans absolument savoir ce que ça voulait dire. C'est la question que vote une femme. Une femme n'est pas n'importe laquelle. Rien que poser la question, ça veut dire quelqu'un, quelque chose. Il n'y a pas dit que vous la femme. Aucun père a tué. On est un verbe signifiant. On est tout au plus père à cause de. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le vrai ressort est ceci. La jouissance, c'est pas le signifiant, mais. Autant qu'on voudrait l'attribuer au père du savoir en tant que vérité. Or, ce qui s'attire, c'est la suite de la prochaine fois que nous trouvons cette qu'apprendre le chef d'un air. Du discours de la nature. Le qui fait par la silence au là, à savoir entre. Il produit sous quelque forme, comme que ce soit, comme signifiant d'être, mais le chant dans le discours. Le savoir en tant qu'il se pose comme vérité. Ce qui permet d'articuler cette langue périodiquement de la castration, c'est que même pour l'enfant, quoi qu'on pense, le père est celui qui ne sait rien de la vérité. Coupure fin de bande.